quand c'est fini, c'est fini. On ne peut pas rester ancré sur le passé, regretter les moments, reconstruire les souvenirs. Quand c'est fini, il faut savoir laisser partir ce qui est fait, fait. On ne peut rien retenir, on ne peut rien contrôler. La vie est faite ainsi, il y a des larmes et des cris, mais quand c'est fini, c'est bel et bien fini. On peut pleurer, se lamenter, retenir les moments en apothéose. On peut se battre, se déchirer, mais quand c'est terminé, faut savoir passer à autre chose. De l'avant, se dire que c'était pas la bonne. La fin d'une histoire offre des portes grandes ouvertes. Le dépit amoureux sera bientôt plus qu'une perte. Sors de ta coquille, arrête la dépression. Ce n'est en fait aucune fille, et comme ça t'en auras des millions. Avant d'être aimé, commence par t'aimer toi-même. Tu connais bien l'expression, on ne récolte que ce que l'on sème. Tu peux rester enfermé, attendre d'elle quelques nouvelles, espérer qu'elle revienne plonger dans tes bras sages. Mais tu maigris à vue d'œil, tous les jours tu oublies l'essentiel. C'est à toi que tu fais mal, allez, il faut. Chaque jour tu oublies l'essentiel. C'est à toi que tu fais mal. Allez, il faut tourner là-bas. Ces phrases clichés, j'en veux plus, je laisse le temps faire mes choix. Les sorts de ma tête, moi je t'en sortirai pas. Ce qui est fini jusqu'à la prochaine fois. Allez, sors de ma tête, sinon je m'en sortirai pas. Ce qui est fini jusqu'à la prochaine fois.